Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, merci de nous être fidèles et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans l'émission Célia Pierre, soprano, professeure de chant au conservatoire du Grand Nancy et à l'Université de Lorraine. Bonjour Célia. Bonjour. Et vous donnerez ce soir à 19h30 un récital de mélodies espagnoles dans les grands salons de l'Hôtel de Ville de Nancy. Et pour présenter ce concert, vous êtes accompagnée de Cristina Diego Pacheco. Bonjour Cristina. Bonjour. Présidente de l'association Casa de España et professeure de musicologie à l'Université de Lorraine. Alors Célia, comment est née l'idée de ce concert? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler ce répertoire espagnol? Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le programme de cette soirée? Alors oui, tout à fait. Cette idée est venue de Cristina au départ, qui m'a invitée à monter ce programme de musique espagnole, qui est une musique que j'avais peu chantée jusqu'alors. J'avais eu l'occasion, lors de l'inauguration de l'association de Cristina, de chanter certaines des pièces qui seront chantées ce soir, accompagnées d'une guitare. Mais cette fois, l'idée était de faire un récital, piano et chant, autour donc de ces joyaux de la musique espagnole du 19e siècle. Et vous serez accompagné au piano par Isabelle Aubert, c'est ça, qui est une professeure aussi au conservatoire, je crois. Tout à fait, avec laquelle j'ai l'habitude de collaborer sur divers programmes, des récitals, notamment Schubert et Mendelssohn, il y a peu de temps, en sa compagnie. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer les compositeurs qui seront joués, chantés ce soir-là? Bien sûr. Ce soir, puisque c'est ce soir, il faut le rappeler, à 19h30. Hein. Et tout à fait. Alors, il y aura du De Falla. Il y aura du Granados, il y aura également du Nin. Du Nin, Joaquín Nin, effectivement, qu'on connaît peu, mais qui a écrit vraiment des choses absolument sublimes. Hein. Qui est le père d'Anaïs Nin, pour la petite anecdote, par ailleurs. C'est un compositeur très connu en Espagne. Oui, je le découvre. En France, c'est sa fille qui est plutôt connue. Oui. Et il y aura également un petit peu de Bizet également, l'Espagne rêvé. Voilà, comment ne pas rendre hommage à ce beau pays par la musique de Bizet, notamment Carmen. Alors, Cristina Diego Pacheco, la musique espagnole est sans doute moins jouée, moins connue, je pense que vous le reconnaîtrez, avec le répertoire austro-allemand ou le répertoire français. Comment expliquez-vous ce manque de curiosité de la part des artistes et donc par ricochet du public? Ouf, c'est une question complexe et compliquée à répondre. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, pour tout ce qui est la musique ancienne, il y a eu le poids de cette fameuse et tristement célèbre légende noire qui a été, qui a été très répandue en France et qui cherchait à, alors on va le dire simplement, un peu à dénigrer, mais l'Espagne classique, on va dire, jusqu'à la bataille de Rocroi au XVIIe siècle. Je ne veux pas faire un résumé historique trop compliqué, mais c'est vrai que l'Espagne était le pays le plus important d'Europe, 16e, 17e, et il y a eu une période, surtout à partir de la fin du XVIIe siècle, où il était un petit peu à la mode de critiquer l'Espagne, de mépriser un petit peu tout ce qui venait d'Espagne, le fanfaron espagnol, etc. Et ça a eu des conséquences sur la culture espagnole, qui a été, elle aussi, du coup, un petit peu méprisée. Il y a eu ensuite le 18e, où l'Espagne, effectivement, a perdu de sa superbe, on va dire, historique. Et donc, il y avait moins d'intérêt pour une Espagne non illustrée, qui n'a pas suivi la Révolution non plus. Et en fait, il y a eu une espèce de goût de l'Espagne au 19e siècle, mais parce qu'il y avait une espèce de dose d'exotisme au 19e avec les voyages, etc. Et donc, c'est revenu un petit peu à la mode, mais ce sont les espagnolades qui sont revenues à la mode d'abord. Carmen n'en fait pas partie, mais c'est un petit peu dans l'esprit aussi de l'époque. Et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'on a commencé à prendre un petit peu au sérieux le compositeur espagnol, Falla, par exemple, qui a laissé des chefs-d'œuvre en France. Oui, mais pourtant, la musique espagnole, l'influence espagnole est un ingrédient principal, justement, de la musique française à la fin du 19e siècle. Carmen, vous l'avez cité, puis la symphonie espagnole de Lalo. Et puis, en même temps, on a l'impression que cette musique espagnole, c'était un peu pour se dégager quand même, cette influence espagnole du wagnérisme, de l'influence allemande quand même. Il y a des raisons historiques aussi qui expliquent cela. À une époque, fin 19e, où il y a eu une espèce d'anti-germanisme latent, on a essayé de se rapprocher de l'Espagne. Et donc, on a mis en valeur aussi la culture espagnole. Ça date vraiment de la fin 19e, début 20e. Ouais. Allez, on va écouter un premier titre. Alors, j'ai demandé, comme à chaque fois que j'ai un invité, à Célia Pierre de nous concocter un programme musical. Et vous avez choisi Carmen, l'opéra peut-être le plus populaire, le plus joué au monde. Alors, pourquoi ce choix, s'il y a besoin de l'expliquer d'ailleurs? Alors, parce qu'effectivement, c'est un incontournable pour moi de la musique lyrique, moi qui viens effectivement de cela. Et puis, pour ce rapport ici, musique et danse, quelque chose de très, voilà, très, très emballant, comme ça, avec cette accélération progressive et ce rapport au rythme extrêmement scandé et absolument fou. Alors, bravo Célia, parce que vous avez vraiment choisi la version de référence, enfin celle qui, moi, me parle le plus, me séduit le plus, celle que j'attrape dans ma discothèque si riche quand je vais écouter Carmen, c'est celle de Claudio Abbado avec Teresa Berganza dans le rôle titre, et puis donc Placido Domingo, dont José est vraiment un incontournable. Les tringles des sistres tintaient. Sur les beaux bistrets Début du deuxième acte de Carmen avec la version magnifique de Teresa Berganza, Claudio Abbado, le London Symphony Orchestra. Teresa Berganza, c'est lié à Pierre, quelle voix hein, quand même, extraordinaire. C'est sublime, mais oui. Hein, elle nous manque beaucoup, c'est une chanteuse qui a marqué son temps, des enregistrements fabuleux. J'invite tout le monde à découvrir. Alors, Célia Pierre, mon invitée, c'était son choix, donc son premier titre pour l'émission d'aujourd'hui, qui donnera un concert samedi ce soir, donc à 19h30, récital de mélodie espagnole dans les grands salons de l'hôtel de ville de Nancy. C'est à 19h30, hein, loupez pas l'horaire. Hein. Et donc, vous êtes venu accompagné de Cristina Diego Pacheco, qui vous a aidé à organiser ce concert. Cristina, parle-t-on d'ailleurs de mélodie à propos de... Des chansons, enfin des pièces pour voix et piano de espagnol. On parle de mélodies comme en français ? On parle, oui, de melodías en espagnol ou chansons en espagnol, canciones, oui, oui. Canciones. En suivant le modèle français par ailleurs. Hein. D'accord. Célia, donc je l'ai dit, vous êtes soprano, professeur de chant au Conservatoire du Grand Nancy. Comment se découvre-t-on une voix ? Ça, c'est une question qui me hante depuis toujours, parce que comment sait-on qu'on a une voix et qu'on va pouvoir travailler cette voix pour peut-être faire une carrière ? Alors, je crois que le milieu peut être favorisant déjà, à titre personnel, parce que je peux surtout parler de mon histoire. J'étais, du côté de ma mère, dans une famille de personnes qui chantaient en permanence. Ma grand-mère, mes tantes, ma mère. On chantait au repas de famille dès qu'on se retrouvait. Il y avait vraiment ce goût pour la voix, de la berceuse pour nous endormir, mais au grand rassemblement familiaux. Donc, j'ai baigné dans cette ambiance-là. Et puis, je suis allée, à partir du lycée, dans une classe musicale. Et là, c'est mon professeur de musique qui m'a entendant chanter, qui m'a conseillé de pousser un petit peu, d'aller chercher un petit peu plus loin le développement de ce don, ce qu'elle appelait un don à l'époque. Bah oui. Et donc, je suis entrée au conservatoire sur son conseil à 18 ans. Et vous pratiquez un instrument de musique ? Oui, je joue du piano. Je ne peux pas dire que je suis pianiste, mais en tout cas, je joue du piano. Je suis en capacité d'accompagner, par exemple, mes élèves. Oui. Bien. Alors, Cristina, on va parler de cette association que vous présidez, je crois. Hein, Casa de España, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quel est le but de cette association ? Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots ? Alors, c'est une très jeune association parce qu'on en est à notre troisième saison culturelle. Et c'est une association culturelle que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de présenter ici à Radio Fagette l'année dernière. Donc c'est une association culturelle qui se donne pour mission en fait de faire connaître la culture espagnole et plus largement hispanophone sous toutes ses formes. Mais on parle bien d'une association culturelle, c'est pas une association qui propose de cours de langue ou ouais. Et un public éminemment francophone. Donc il s'agit de montrer au public de films, des concerts, voilà, on donne des conférences aussi. Donc essentiellement, ce qu'on fait, c'est ça, des conférences autour de la culture espagnole. Je peux vous donner comme exemple des conférences sur la mesquite de Cordoue ou la Cordoue des Omeyyades ou sur les jardins botaniques d'Espagne, l'histoire des jardins botaniques, vous voyez, des choses comme ça. Et puis des concerts de musique espagnole et puis des ciné-clubs. Et tout récemment, on a commencé un club de lecture. Voilà. Donc promouvoir à Nancy la culture espagnole, comme il existe d'ailleurs le Goethe-Institut pour la culture allemande. C'est un petit peu l'équivalent, mais pour la culture espagnole, parce qu'il manquait ça à Nancy. C'est parfait, merci d'avoir créé cette association. On va écouter un peu de musique, bien sûr, c'est une émission musicale. Et le deuxième choix de Célia Pierre, qui nous propose un programme. Et vous avez choisi le Stabat Mater de Pergolèse, l'une des œuvres baroques les plus célèbres dans le domaine de la musique sacrée. Pourquoi ce choix ? Alors, parce que c'est une pièce que j'ai eu l'occasion de chanter à de nombreuses reprises et qui a particulièrement marqué mon parcours de chanteuse, et j'espère d'ailleurs pouvoir le rechanter à nouveau, par vraiment cette forme de langueur douloureuse sublime qui se traduit dans cette musique-là, ces frottements entre les deux voix, voilà, d'intervalles très très serrés qui se résolvent ensuite, cette puissance dramatique, effectivement, pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre de Pergolèse. Et que j'ai eu d'ailleurs la chance de chanter à la fois avec des mezzos, mais aussi avec des contre-ténors. Et je trouve que cette possibilité double offre des choses différentes, mais tout aussi intéressantes l'une comme l'autre. Et j'ai choisi effectivement ce premier duo, absolument emblématique, que j'aime aussi à faire travailler à mes étudiants régulièrement. Le tout début du Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolèse avec la voix de Nathalie Stutzmann, Elisabeth Morberg-Schulz et le Hanover Band dirigé par Roy Goodman. C'est le choix de mon invité Célia Pierre, soprano, professeur de chant au Conservatoire du Grand Nancy. Célia, je crois que vous aimez particulièrement la musique baroque. Oui, tout à fait. On pourrait dire de moi que je suis une baroqueuse. Effectivement, c'est quelque chose qui est une musique qui me tient particulièrement à cœur. J'ai été formée notamment par le Concert Lorrain et Anne-Catherine Bucher, excusez-moi. Oui. Anne-Catherine Bucher, le Concert Lorrain en musique de chambre baroque, qui m'a fait découvrir ce répertoire sublime et merveilleux. Je pense que j'ai une voix qui se prête à ce répertoire. Alors justement, vous qui êtes professeur de chant, est-ce qu'on étudie la musique baroque comme on étudie l'opéra du XXe siècle, par exemple ? Alors effectivement, non, pas du tout, parce que stylistiquement, c'est extrêmement éloigné. Le phrasé, certainement. Le phrasé, exactement, tout à fait. Notamment dans le chant baroque, il y a toute cette habitude des appuis, des tentes, et puis ce vibrato très contrôlé à l'attaque des notes, hein, qui n'est surtout pas trop marqué, contrairement à la musique du XIXe, où on est plus généreux, on va dire, dans son vibrato et ce, dès l'attaque. Je vais donner maintenant la parole à Christina, parce qu'elle est aussi là, elle est aussi mon invitée ce matin. Christina, donc, je le rappelle, professeure de l'association Casa de España. Quelle est la place de la musique classique en Espagne? Est-ce qu'il y a les mêmes problèmes de financement qu'en France? Oh, hélas. et bien pire, oui. Alors, comme en France, d'ailleurs, la musique d'opéra, elle est très soutenue par les institutions publiques. Donc, il y a des maisons d'opéra dans les plus grandes villes espagnoles, Madrid, Barcelone, Valence, etc. Et après, pour les autres répertoires du baroque jusqu'au XXe siècle, effectivement, c'est aussi très institutionnalisé, conservatoire, les villes, etc. Mais il y a il y a un goût pour la musique classique qui est certain. Et je pense que les nombreuses associations culturelles de soutien à la musique classique, etc., sont là pour témoigner de cela. Moi-même, je viens d'une petite ville, enfin, c'est une ville de 100 000 habitants à peu près, hein, donc c'est un petit peu la taille de Nancy, mais pour l'Espagne où il y a des grandes villes et des grands espaces vides, c'est une petite ville. Il y a au moins 3 associations de soutien à la musique classique. Donc une présence très importante finalement. Et puis des artistes comme Placido Domingo qui font aussi rayonner l'art espagnol de la musique. On va écouter le titre suivant choisi par Célia Pierre. Donc vous avez souhaité écouter Rameau, l'air de la folie tiré de Platé. Alors pourquoi ce choix? Tout à fait, que j'aime aussi particulièrement forcément, c'est mon choix ici. Avec ce choix un peu décalé dans la musique de Rameau dans Platé. Rameau, je crois, cherche dans cet air-là vraiment l'effet comique avec des vocalises en forme d'éclat de rire. Vous allez pouvoir apprécier cela. On est vraiment sur une parodie de l'air d'opéra dans le goût italien avec toute cette virtuosité. Alors j'aime assez, j'avoue, les défis vocaux dans la musique que je peux aborder, notamment quand il y a des coloratures et un travail technique intéressant au niveau de la technique vocale, au niveau vocal. Quelle est la différence entre une soprano et une soprano colorature? Alors, il y a plein de catégories de soprano. Il y a des sopranos dramatiques, les sopranos lyriques, lyrico-spinto, les sopranos coloratures. La soprano coloratura se caractérise par sa facilité à vocaliser, à aller vite avec sa voix. Donc on va écouter cet air de la folie de Rameau qui doit être chanté justement avec un petit grain de folie. Maintenant, les chanteuses aiment bien justement avoir un peu à côté décalé. Autrefois, la musique classique, l'opéra, c'était un petit peu corseté. Bon, aujourd'hui, ça s'est bien débraillé quand même, grâce à Patricia Petitbon et d'autres artistes qui chante merveilleusement Rameau. Là, vous avez choisi une des artistes les plus majeures de notre temps, c'est Sabine Devielle qui chante merveilleusement Rameau, l'un de ses principaux disques, l'air de la folie de Platé, avec l'ensemble Les Ambassadeurs, dirigé par Alexis Kosenko. Je veux connaître en soi. Essayons du brillant. Ha ha ha! L'air de la folie tiré de Platé de Jean-Philippe Rameau avec la voix de Sabine Devielle, l'ensemble Les Ambassadeurs Alexis Kosenko, toujours le choix de mon invité Célia Pierre, soprano, professeur de chant au Conservatoire du Grand Nancy, qui donne un concert samedi, aujourd'hui, donc à 19h30, récital de mélodie espagnole dans les grands salons de l'Hôtel de Ville de Nancy, accompagné au piano par Isabelle Aubert, faut quand même le dire, hein. Tout à fait. Citer son nom. Hein. Vous êtes accompagné, je le disais, de Cristina Diego Pacheco, qui est professeure de musicologie. Cristina, pourquoi a-t-on redécouvert si tardivement la musique baroque et, enfin, au XXe siècle, alors qu'elle n'a pratiquement pas été jouée au XIXe, et en particulier Rameau? Alors, pour faire court, oui. Pour résumer une histoire assez longue, oui, en 3-4 phrases. Rameau a été joué vraiment très largement après sa mort, au XVIIIe siècle. Mais il y a eu un événement important qui a marqué l'histoire de la musique française, ça a été la fameuse querelle de Buffon, vers le milieu du XVIIIe siècle. Et la querelle, c'était entre la musique, l'ancienne musique qui n'était plus à la mode, c'est-à-dire celle des Rameau, et la musique des Italiens. Et le résultat de cette querelle, ça a été un peu, là aussi pour faire court, un renouveau de l'opéra français grâce à Gluck notamment. Et après, au XIXe siècle, effectivement, on est passé à autre chose. C'est l'opéra comique, etc. Et donc, c'est seulement au XXe siècle qu'on a redécouvert la musique baroque française, qui est redevenue au goût du jour. Enfin, c'est un phénomène qui est venu d'Angleterre, ensuite est venu en France. Et on peut dater cela assez précisément des années 70 ou plutôt 80, et surtout à la création d'une institution, le Centre de musique baroque des Versailles, qui a fait énormément pour la redécouverte de la musique française. Célia, vous avez choisi de nous faire écouter Schubert. En principe, on devait écouter Mozart, mais vous avez oublié le disque, alors c'est pas bien. Mais enfin, bon, l'air de Pamina de la Flûte Enchantée. Alors, je sais que vous aimez beaucoup Mozart. Qu'est-ce qui vous touche dans l'opéra mozartien ? Je crois que c'est la pureté de la ligne. Ouais. Et puis, c'est cette façon qu'il a de mettre en musique les sentiments profonds, en tout cas dans la musique vocale, évidemment. De façon extrêmement candide, presque évidente, par rapport à le rapport texte-musique ici extrêmement touchant. Et c'est Harry Schulz que j'avais prévu de vous faire entendre ce matin, effectivement, et pour moi un des monuments aussi de cette musique de Mozart qui touche au cœur. Avec c'est vraiment cette pureté de ligne, c'est ça qui me vient surtout. Alors vous avez choisi de nous présenter Kristin Flakstad, une soprano qui a eu son heure de gloire dans les années 40-50. Est-ce qu'il y a des artistes, des chanteuses qui ont influencé votre parcours musical? Quelles sont vos idoles en matière de chant? Lorsque j'étais étudiante, René Fleming, Kirite Kanawa, Teresa Berganza aussi, bien que n'étant pas mezzo, j'étais extrêmement admirative de cette chanteuse-là. Et puis Kathleen Battle également, qui est une référence pour moi, oui. Oui, dommage, elle a un peu disparu des radars, on ne l'entend plus beaucoup. Hein, c'est... Tout à fait. Bon, on va écouter Le Roi des Aulnes. Vous avez choisi ce lied de Schubert. Oui, effectivement. Qui est magnifique. Exactement, oui, tout à fait. Le Roi des Aulnes et Alcönig sur ce poème de Goethe sublime, hein, cette créature maléfique qui hante les forêts et entraîne les voyageurs vers la mort. Et puis ce figuralisme dans la musique de Schubert qui me touche particulièrement. Ces trois personnages dans Alcönig, hein, le père, le Roi des Aulnes et l'enfant. Et puis cette partie piano dont on entend tout à fait le galop et le vent. C'est tellement, tellement expressif. C'est un lied que j'ai beaucoup chanté en récital. Et pour la petite histoire également, pour passer ma médaille d'or de chant, donc qui m'a valu un succès. Et puis il y a le quatrième personnage, c'est le cheval, évidemment. Le cheval, comme vous dites. Ce galop extraordinaire. Ce galop extraordinaire en triolet à la main droite du piano. Allez, on écoute ce Roi des Aulnes avec version de référence, Kristin Flakstad, et au piano, c'est Edwin MacArthur. Durch Nacht und Wind. Un enregistrement historique de ce roi des aulnes de Franz Schubert avec Kristen Flagstad soprano, Edwin MacArthur au piano, le choix de Célia Pierre soprano qui nous accompagne ce matin et qui sera en concert ce soir à 19h30, Mélodie espagnole avec Isabelle Aubert, j'allais dire Isabelle Aubray, non, c'est une chanteuse, Isabelle Aubert, c'est à 19h30. Célia, est-ce que les voix sont faites pour tous les répertoires? Je sais que vous enseignez le chant, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des chanteurs parmi vos élèves que vous sentez plus sur le répertoire du lied, de l'opéra ou de la musique sacrée? Oui, tout à fait. Il y a des types de voix qui correspondent mieux à un répertoire, évidemment. Pour la musique lyrique d'opéra, évidemment, pour des raisons de lieux de concert également, qui sont les opéras, l'idée est tout de même d'avoir un volume sonore assez important, ou en tout cas de le développer s'il n'est pas là d'emblée. Une voix large va se prêter plus facilement à ce type de répertoire. En revanche, pour la musique baroque ou le lied, la mélodie française, la mélodie espagnole, on peut tout à fait aller chercher des choses plus en finesse, plus en délicatesse au niveau des timbres et de la nature vocale. Après, le travail vocal, je prêche un peu pour ma paroisse là, mais permet de développer aussi des voix selon un répertoire préféré. Hein, c'est pas l'instrument qui va faire le répertoire, hein, c'est le goût pour un certain répertoire qui va sculpter avec le travail la voix. Cristina Diego Pacheco, donc présidente de l'association Casa de España, vous qui êtes musicologue, est-ce que la musique espagnole s'est beaucoup nourrie, comme la musique russe finalement, de l'apport des compositeurs étrangers? Je pense par exemple à Domenico Scarlatti ou Boccherini qui ont vécu en Espagne. Est-ce que ça sont des compositeurs qui ont beaucoup apporté à l'art espagnol? Alors, dans les deux cas précis que vous avez donnés, peut-être moins, justement. Alors, la musique espagnole s'est beaucoup nourrie de la musique italienne, un petit peu comme partout. La musique italienne a été une grande influence en Europe, surtout à partir dès la seconde moitié, d'ailleurs, du XVIe siècle. Et surtout pour l'art lyrique, contrairement à ce qui s'est passé en France, en Espagne, à partir du XVIIIe siècle, justement avec la deuxième femme du roi très français Bourbon, Philippe V, commence l'italianisation de la musique espagnole. Et en fait, toutes les compagnies d'opéra à la cour au XVIIIe, surtout à partir des années 30, sont des compagnies italiennes. Donc l'influence italienne a été très importante. Alors j'ai dit peut-être moins pour Boccherini et Scarlatti, parce qu'il y a l'un qui a composé la musique des chambres, l'autre la musique pour clavier, qui se sont peut-être moins développés que la musique vocale en Espagne. Alors on va continuer la programmation musicale, à découvrir la programmation musicale de Célia Pierre. Et vous avez choisi, Célia, de nous faire découvrir Duparc, une mélodie de Duparc, Henri Duparc, compositeur extrêmement sévère envers lui-même, hein, qui a laissé peu de choses. Alors qu'est-ce qui vous touche dans cette musique ? Alors, la mélodie française, de manière générale, est une musique qui me touche et que j'ai beaucoup travaillé, chanté. Duparc particulièrement, je trouve qu'il y a une dimension assez lyrique dans ces mélodies. Contrairement à Fauré, par exemple, ou Debussy, on n'est plus sur l'intime. Là, on est sur de l'intime et de l'intime un petit peu débridé, pour dire, si je peux me permettre. Avec quelque chose qui va tout de même chercher dans le registre assez aigu et dans les contrastes de nuances assez importants. Donc cette mélodie en particulier, chanson triste, dont l'indication de départ me touche beaucoup, c'est « lent avec un sentiment tendre et intime ». Cette mélodie existe aussi dans une difficile version... à restituer, non, j'imagine. Excusez-moi. Complètement, tout à fait. Ouais. Mais avec cette exigence tout de même assez de présence vocale, lyrique, et effectivement paradoxale. Il existe une version pour orchestre, mais au départ, c'est une version lead piano chant. Mais il a réorchestré beaucoup de ses mélodies qui ont vraiment cette dimension, je trouve, un peu plus lyrique, plus large. Ouais, jadis, d'ailleurs, l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy, comme on disait à l'époque, avait enregistré un disque du Parc avec Françoise Paulet, soprano. Allez, on écoute cette mélodie de Duparc avec la voix de Véronique Jans, une des grandes sopranos encore actuelles, et elle est accompagnée au piano par Suzanne Manoff. Pour Magnifique chanson triste d'Henri Duparc avec Véronique Jans et Suzanne Manoff. Toujours le choix de Célia Pierre, soprano. Célia, quand on travaille une mélodie, est-ce qu'on travaille la partition comme n'importe quel autre musicien d'emblée, ou est-ce qu'on s'intéresse aussi au texte, au contexte dans lequel ce texte était écrit? Oui, bien sûr, le rapport texte-musique pour moi est fondamental et éclaire largement l'interprétation d'une mélodie. On part du texte d'ailleurs, hein. Je fais souvent déclamer, dire les textes à mes étudiants. Ensuite, on passe à l'aspect plus vocal, on va vocaliser la mélodie sans le texte. Et ensuite, on couple les deux pour arriver à un travail fini. Alors donc, voilà, une mélodie d'Henri Duparc magnifique. Et on va passer maintenant à Candide de Léonard Bernstein, un autre choix que vous avez souhaité, enfin l'un de vos choix pour ce matin. Candide de Léonard Bernstein, d'après Voltaire, bien sûr, et écrit dans la période du maccartisme, c'est pas tout à fait un hasard. Qu'est-ce qui vous touche dans cet air qui est particulièrement difficile? C'est Glitter and Bigay. Hein. Oui, tout à fait. Alors c'est déjà l'histoire de cette Cunégonde, cette courtisane entretenue par deux amants qui méprisent sa vie, mais à la fois qui adore le luxe dans lequel elle vit. Alors c'est un air de bravoure, effectivement, un coloratura qu'on pourrait tout à fait rapprocher de l'air de la Reine de la Nuit. Il est très technique, mais à la fois très expressif aussi. Et c'est une parodie flagrante de l'air des bijoux. On va entendre ça, voilà. Pour lequel il faut une large tessiture. Bernstein lui-même avait fait travailler cela à sa soprano, la soprano dont j'ai oublié le nom, pardon, qui a créé ce rôle, en étant vraiment extrêmement exigeant quant à l'aspect technique, à la réussite technique de ce morceau. Thank you. crève-cœur, évidemment, de couper Glitter on Bigel, l'une des pièces les plus difficiles de Leonard Bernstein, avec la voix de René Fleming, l'orchestre du Metropolitan Opera, direction James Levine. Donc, on va revenir à ce concert que vous donnez ce soir à 19h30 dans les grands salons de l'Hôtel de Ville, Célia Pierre, avec au piano Isabelle Aubert, chanson espagnole. Quelques mots encore pour nous présenter globalement le concert. Ah, c'est Christina qui nous présente le... Peu importe. Célia, Christina. Alors oui, donc, un programme réjouissant, rempli de soleil, des textes sublimes mis en musique par des grands noms de la musique espagnole, Granados de Falla, Bizet, alors qui est voilà, français, mais voilà, Ravel aussi, il y aura un petit peu de Ravel, et puis des compositeurs plus contemporains, notamment une compositrice qui s'appelle Laura Vega, qui a écrit un sublime cycle que j'aurai la chance d'interpréter. Et puis alors, une curiosité quand même, c'est Federico Garcia Lorca, alors ça concerne peut-être Christina, on connaît le poète, mais on ne sait pas forcément qu'il a aussi composé de la musique. Alors oui, c'est vrai, parmi ses multiples talents, il avait les talents aussi de la composition. Alors, il faut quand même aussi nuancer un petit peu les propos, ça n'était pas un grand compositeur, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le folklore et les traditions espagnoles, mais ça on le voit aussi dans ses pièces de théâtre. Hein. Et donc, il a, avec l'aide de certains de ses amis avec lesquels il habitait à cette résidence mythique de la Seconde République espagnole, la Residencia de Estudiantes, la résidence des étudiants, où il y avait, j'ai dit ça parce que parmi les résidents, il y avait Dali, Picasso, Lorca, enfin tous les grands noms de la culture espagnole de ce moment-là. Et donc, grâce à l'aide de certains de ses amis compositeurs, dont de Falla par ailleurs, il a harmonisé en fait des mélodies populaires espagnoles, et donc c'est certaines de ces mélodies populaires espagnoles que Célia va chanter ce soir. Et on va écouter donc l'une de ses mélodies, Sevillana, c'est ça, Célia ? Tout à fait. Et c'est chanté par la soprano Fatma Saïd, donc une pièce que l'on écoutera ce soir tout à l'heure. Alors accompagnée au piano simplement, je me permets de préciser, au piano ce soir, là c'est une version avec guitare. Avec guitare. Viva Sevilla! Sevillanas de Federico Garcia Lorca, interprété par la soprano Fatma Saïd, mais vous me dites, Célia, que c'est peut-être une mezzo, bon voilà, et accompagné à la guitare par Raphaël Aguirre. Donc on va rappeler ce soir, dites-nous tout, Célia, le concert, c'est à quelle heure ? 19h30, chanter la poésie espagnole avec ma partenaire de feu Isabelle Aubert au piano. Et ce programme très éclectique, je vous le disais, gorgé de soleil, qui fera la part belle à l'émotion, aussi à la virtuosité, à la danse et au texte sublimement mis en musique par tous ces compositeurs. Eh bien, Christina, Célia, merci à toutes les deux d'être venues nous parler de votre travail, de votre talent. Merci à vous, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous réécouter dans l'émission, de vous réinviter. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bon samedi à toutes et à tous, et à demain.